Moi, c'est Morgane. Je voulais vous dire un mot des semaines de la folie ordinaire, puisque c'est aussi dans ce cadre que se passe cette émission aujourd'hui. Donc, les semaines de la folie ordinaire, pour la petite histoire, elles sont nées à Reims il y a plusieurs années. Et elles ont été pensées par un collectif qui s'appelle le collectif Artaud, qui est lié à un lieu de soins qui s'appelle le centre Antonin Artaud. Et ce collectif, il est composé de soignants et de patients qui avaient envie de penser des semaines alternatives aux semaines d'information sur la santé mentale pour que les questions du soin, de la folie, puissent, enfin, pour se réapproprier ces questions en dehors des discours qui ont un peu la suprématie dans la plupart des médias, dans les institutions psychiatriques, qui sont des discours assez normatifs. Donc voilà, ça fait plusieurs années que ces semaines existent là-bas, et cette année, pour la première fois, on a eu envie de les exporter à Paris, parce que, en tout cas en Île-de-France, ça fait un certain nombre d'années qu'il y a tout un tas d'énergie, il y a des groupes d'entraide mutuelle, à des lieux de soins, à des collectifs qui, eux aussi, ont envie de se réapproprier ces questions du soin, de la folie, de quel type d'accueil on a besoin, de quel lieu on veut. Et c'était voilà, l'occasion d'articuler toutes ces énergies pour créer 2 semaines d'événements sur toute l'Île-de-France. Et cette semaine, c'est la 2e semaine. Donc tout va se passer à partir de maintenant à la Parole Errante où on se trouve en ce moment, qui est un lieu qui a été créé par Armand Gatti il y a plusieurs années. Donc voilà. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Réveil. Vous pouvez nous joindre au 01 41 11 28 40. Ça fait peur, l'adresse email, groupe radiophonique, anière@gmail.com. Vous êtes donc maintenant passé sur Radio Valkyrie tous les mardis de 14h à 15h15 en direct. Rediff de la radio le jeudi à 21h et le samedi à 10h30. En streaming, Radio Cavalcade sur alsolnet.com/stream/lacolifataNLAC. Après les loups sont entrés dans Paris, ce sont les chevaux qui entrent dans Asnières. Vous êtes bien sur Radio Valkyrie, la radio des amateurs de fromage en culotte courte. Soyez les bienvenus sur Radio Bancale, la radio qui aimait même à Cancale. Une nouvelle radio est née, Radio BCG, une radio belle, courageuse et gourmande. Vous êtes bien sur Radio Valkyrie et non pas Vachetyrie. Vous pouvez nous écouter à alsolnet.com/stream/lacolifataNLAC pour Radio Vachkiri Valkyrie. Bonjour, vous êtes sur Radio Basket. Vous pouvez donc nous joindre au 01 41 11 28 40. Merci beaucoup. Donc, nous écoutions La Chevauchée de Valkyrie de Richard Wagner. En fait, c'est un de ses seuls morceaux qui est joué uniquement au corps de chasse. C'était un mec qui avait vaguement les nerfs. Thank you. Hello, hello, hello, chers amis auditrices, chers amis auditeurs, c'est Marc de la radio sans nom qui vous parle. Voilà, nous sommes à Montreuil, association, je crois, La Parole Errante. Voilà, et donc nous, l'idée étant de présenter notre petite radio, donc la radio sans nom, à une autre radio qui s'appelle la radio Bruit de Couloir. Oui, nous allons. Moi, c'est Véronique, je travaille avec Alfredo et Sarah aussi sur la radio. Donc, en fait, le principe de notre radio, c'est qu'on se réunit toutes les semaines de 14h30 à 16h, en gros. Maintenant, on travaille pas mal en partenariat avec le théâtre de Gennevilliers. Donc, on émet du théâtre. On a un super local radio. On travaille avec la radio du... Ça s'écrit D3U. Alors... Allô, allô ? La radio du... Et on va essayer ici de faire une émission comme on les fait d'habitude, c'est-à-dire soit on se donne un thème précis ou alors voilà, c'est comme ça passe. Voilà. Bonjour, je m'appelle Abdel et on est au Montreuil. On va parler de couloir et on est avec moi, j'ai avec Fredo et Sarah et Benjamin. Oh, bienvenue. Bonjour, bienvenue à Radio Sans Nom. On vient de regarder donc un film sur la Colifata. Film institutionnel sur l'hôpital psychiatrique de Buenos Aires, d'où a émis la première fois la radio Colifata, et on a pu voir donc dans ce film pas mal de principes radiophoniques qui apportent donc un état de bien-être aux patients différents de la radio. On peut les voir toujours évoluer, être content de pouvoir s'exprimer, et c'est ce que j'ai retrouvé moi aussi à travers la radio aujourd'hui. Et qui rejoint Alfredo en tant que bénévole chaque semaine à Radio Sans Nom, au CATTP et au T2G. Voilà, et je les rejoins au niveau de la technique, donc je m'occupe un peu de la musique et tout ça. Voilà, voilà. Bonjour, je suis Sarah, de retour à la radio depuis 2 mois. La radio sans nom existe depuis presque 2 ans et demi, 3 ans. Et maintenant, effectivement, on a un petit partenariat avec une autre radio, Radio Du, une radio de Gennevilliers qui a des locaux au théâtre, mais aussi bientôt à la Villette. Donc peut-être on fera des émissions de temps en temps quand il fera beau à la Villette. Et voilà, vous venez de voir le film sur la radio Colifata, qui est, je dirais, la première radio qui a émis en Argentine dans un hôpital psychiatrique. Et voilà, enfin, c'est un très très beau film, très vivant, je trouve, qui me touche à chaque fois que je le vois. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, tu as profité pour dormir. C'est bien passé, non ? Eh ben, en tant que jeune maman, qui donc le sommeil n'est pas toujours facile, j'ai eu 1 heure rien que pour moi, tranquille. C'est vrai que c'était fort appréciable. Bon, vous avez introduit le fait que nous venons de regarder un film. Et, si vous êtes d'accord, on vous propose d'ouvrir les micros à tout le monde pour nous écouter. Ça veut dire, si vous avez quelque chose à dire, impression, opinion... Réflexion, et c'est bienvenu. Les micros, c'est à vous. Ah, Daouda. Bonjour, je m'appelle Daouda. J'ai apprécié le film avec Alfredo, même quand il va chez le coiffeur. Même quand il perd ses cheveux, il a toujours la classe. Donc voilà, là actuellement, on est entouré d'art moderne, en fait, de tr- très beau dessin. C'est agréable, c'est très plaisant à voir. Et j'espère à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices que... Là, je dis dans l'inspiration, il y a... pardon, oui. Oui, pardon. J'espère à tous nos auditrices et tous nos auditeurs qui nous écoutent que notre groupe radio ainsi que le groupe radio Bruit de couloir va vous plaire. Bonjour, c'est Joseph. Moi, je suis à la radio sans nom aussi depuis septembre. Donc, j'ai pu découvrir cette radio. Et ce qui m'a frappé pour faire le lien avec le film qu'on a vu tout à l'heure, c'est vraiment que nous, on est vraiment une radio très ouverte. Il y a le lien avec le T2G, il y a le lien avec la radio du. On se déplace ici aujourd'hui, on est à Montreuil. Et puis, on s'est beaucoup déplacé toute l'année depuis que je suis là. Et ça m'a beaucoup frappé ce côté à l'hôpital Bordal, la notion de dedans-dehors, l'enfermement, le fait qu'il y ait seulement les petits enregistrements de la radio qui arrivent à parvenir à l'extérieur pour communiquer. Et j'ai trouvé ça vraiment très, très émouvant, quoi. Et puis en même temps, ça m'interroge beaucoup. Par exemple, quelle question tu t'as posée? La question que je me pose, c'est pourquoi cet enfermement, quoi. C'est vrai qu'il y a par moments des moments où on doit être un peu isolé, se prendre du recul, se reposer. Mais quand j'entends le patient qui dit pour ma sortie, il va falloir que j'attende 1 million d'années, ça fait beaucoup de peine, quoi. Et pour les autres? En même temps, 1 million d'années avec le progrès, c'est peut-être jouable, non? Non, moi j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas vu l'entièreté, mais en tout cas ça m'a beaucoup touchée et j'ai trouvé les images magnifiques aussi. Ça te donnait envie de se transposer là-bas pour quelques minutes, quelques temps, enfin voilà, en savoir plus. Merci beaucoup. Vous dites qu'elle a été touchant, et c'est... pourquoi que... Bah un peu tout en fait, enfin, je suis un peu envahie par ce que j'ai vu. C'est les gens, je trouve qu'ils parlent très librement en fait, de tout, de l'amour, de la vie, de leur conviction ou pas, ils sont assez en roue libre en fait, et je trouve que c'est un cadeau en fait de donner tout ça assez généreusement. Voilà, ça fait rêver. Quelqu'un d'autre? César, bienvenue César. Et oui, je suis venu. Je suis argentin, je suis un musicien argentin et j'ai rencontré Alfredo dans une autre rencontre dans laquelle il avait passé le film que j'ai revu chez moi beaucoup de fois, l'autre film. Et en revoyant celui-là, c'est vrai, c'est très très très émouvant de voir la bonté qu'il y a dans tous ces gens qui sont là et avec ces préoccupations, ils arrivent quand même à s'exprimer et à nous montrer et à nous faire comprendre quelles sont ces angoisses, ces problèmes, ces moments de grande lucidité qu'ils sont, comme les chanteurs qui veulent chanter les boléros et il arrive à les chanter, il les chante, et il chante tous, et les balles à la fin, et ça montre comment un événement qui est le fait de parler à la radio les mobilise et les fait profiter de la vie et danser tous ensemble. C'est vraiment une très très très très belle chose qui laisse ce film. Moi je vis le film, imaginez-vous... plusieurs fois. Mais pour exemple aujourd'hui les moments de la radio, parce que c'est le partage des paroles, mais aussi il y a une ambiance et ça fonctionne à peu près comme une installation artistique Plumita qui prend la parole pour casser les rythmes, par exemple. Dit oui, je vais dire une autre chose parce que sinon c'est toujours pareil. Et elles-mêmes, elles finissent ces moments en train de danser tango, mais avec une expression plus proche à le classique que du tango. Et aussi, ça qui m'a. Parce qu'on prend distance, on revoit. et la question de la circulation du micro, la circulation du maté, de la fumette et les micros, et qui passent partout, tout le temps. C'est une espèce de fil visible ou invisible qui permet les gens se rassembler, se rencontrer. Et peut-être, c'est que moi je trouve aujourd'hui, le plus intéressant, c'est pas la parole de un ou l'autre, sinon le entre-parole, entre un et les autres, les tissus que nous sommes en train de créer ou de construire. Moi je trouvais aussi ce qui est du coup cette circulation de parole, en fait ils ont tous vachement envie de parler, vachement envie d'échanger, et le passage hyper émouvant d'une des patientes qui dit « N'ayez pas peur de nous, venez, on va pas vous taper, on a juste besoin d'amour et l'espèce d'ouverture vers l'extérieur et une envie de continuer à circuler entre eux, mais aussi plus loin encore. » J'ai trouvé ça hyper riche, hyper fort, même les échanges, même au niveau artistique, comme tu dis, c'est un très très très beau moment, très beau film, très riche en émotions. La radio sans nom, c'est une radio cool et qui mérite son nom. Il y a du Santiago, ten corpinho d'algodon, saia de chita com cordon, par de brinco roda pion. Il y a du Santiago, ten corpinho d'algodon, saia de chita com cordon, par de brinco roda pion. Na ilha de Santiago, tem um mano mente, tem cacá. Nasce a comida Zezé, no Raul lá de fundo pro beira da barca. Na ilha de Santiago, tem um ano mele, tem cacá. Minha nasce a comida Zezé, no Raul lá de fundo pro beira da barca. Ilha de Santiago, tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco roda pião. Ilha de Santiago, tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco roda pião. Na ilha de Santiago, tem caetaninho, tem cordeiro, rique pano novo, unha vivinha lá de fundo por ali de baixo. Na ilha de Santiago, tem caetaninho, tem cordeiro, rique pano novo, unha vivinha lá de fundo por ali de baixo. Je suis Jean-Pierre Montand, je suis patient à Moiselle depuis 2008. Salut les cœurs! La colifada, pa que tu jeito para deixar. Na colifada, pa que vai ler do mamá. Ce qui m'a frappé dans ce film, c'est la façon dont les soignants sont au milieu des patients dans une commune humanité. Et de la France sur l'Argentine, il y a un regard un peu surplombant. Et quand on voit la façon dont ça se passe dans cet hôpital-là, je crois qu'on pourrait en prendre de la graine dans une bonne partie des services en France, quoi. Cette façon d'être sur un pied d'égalité, même dans la distribution des traitements, les gens se saluent, s'embrassent, tout le monde danse à la fin ensemble, et c'est quelque chose qu'on voit trop peu en France dans les services de psychiatrie, quoi. Voilà. Par rapport à ça, il y a un contraste très important entre le moment que les gens prennent la médication, les traitements, avec ils font la file. C'est très réglé aussi. Réglé, c'est dit. Bon, c'est très dur. Et après, oui, l'espace ouvert, les choses fonctionnent différemment. Mais est-ce que... parce que je crois que je t'avais déjà posé la question, mais quand tu venais là dans l'hôpital, est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup de soignants qui venaient participer? Ou au final, c'était quand même plutôt... surtout des patients et parfois des gens qui passaient un peu par là à ce moment-là. Tout le monde croit que Radio La Colifata fait partie de l'hôpital. Par exemple, aujourd'hui, on se rencontre toutes les semaines au T2G. Moi, en qualité de soignant, fin de mois, j'ai ma fiche de paye. Et le secteur donne la place à une expérience comme ça. Là-bas était absolument différent. On s'est mis à l'intérieur de l'hôpital sans rien dire. Et avec un groupe qui s'appelle Cooperanza, qui à la fois, ils sont pu rentrer à l'hôpital dans les années 70, période d'effervescence politique importante. Et quand la radio a eu son premier anniversaire, les médias ils sont venus à l'hôpital pour interviewer les médecins. Et le directeur de l'époque, il connaît pas la Colifata. Mais lui, il s'est lancé à dire des choses, n'importe quoi. Oui, la Colifata fait partie de notre politique d'ouverture à l'extérieur. Et lui, il a commencé à dire... n'importe quoi, mais grâce à ça, est-ce qu'on a pu créer des conditions politiques pour exister? Ça veut dire que c'est une expérience qui va naître à l'intérieur. Non, c'est une expérience qui émerge de l'intérieur, mais qui se valide à l'extérieur. Vous avez parlé de l'extérieur, l'intérieur, l'enfermement. C'est ce messie Lalomir qui, à la fin du film, parle et... Lui, entre autres, les premières radios, ils ont été les radios comme ils sont ici, Radio Paris Pluriel, et Radio Libertaire, les radios associatives. Mais trois mois après, la Rock and Pop, qui c'est un gros radio, et ils ont commencé à diffuser les micro-programmes. Et ça veut dire que et les publics, ils se sont dit, c'est bien, à l'hôpital, et ils font des choses plus humanitaires, plus... Même si la pratique quotidienne là-bas, à l'époque et aujourd'hui, ça continue un peu, a été un peu bestiale aussi. Hein. C'est pas... Sauf que grâce à pouvoir récupérer la voix à l'extérieur, on a pu survivre à l'intérieur. Parce que la Colifata à l'époque a été vraiment beaucoup attaquée. Même pour les autorités de l'hôpital, parce qu'ils vont pas... et à ouvrir un espace des paroles aux gens hospitalisés. Mais l'hôpital Borda, il existe toujours? Oui, il existe. Et il y a encore la radio là-bas? Et oui, sauf que justement la semaine dernière, ils sont ouverts en studio dans les sièges de la Colifata. La Colifata, c'est une association sans fin lucratif. Les samedis, ils continuent à faire l'émission à l'intérieur pour les patients qui ils sont hospitalisés. Mais même vient tout le monde, vient les auditeurs, et comme vous avez vu. Et de lundi à vendredi, et il y a un studio classique de radio avec l'antenne de la Colifata, parce qu'à l'époque, elle était une radio absolument pirate, illégale. Et on a mis les petites antennes dans la petite terrasse de l'hôpital. Et 25 années après, la Colifata, c'est une radio, entre autres radios FM, de la ville de Buenos Aires. Et c'est une radio légale. Et grâce à ça, de lundi à vendredi, les gens de la communauté nous appellent pour demander d'avoir un espace. Et l'espace peut être gratuit s'ils sont ouverts pour partager projets avec les gens qui sont en train de sortir de l'hôpital. Tout ça, c'est nouveau. Et même les côtés extérieurs de la Colifate aujourd'hui, et à partir de signer en partenariat avec les ministères de développement social, il y a 42 patients ou ex-patients de l'hôpital qui touchent un petit salaire tous les mois, et en parallèle il apprend un cours de formation de différentes choses. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle émission de l'Atelier Radio. Aujourd'hui, il y aura des interviews, des reportages, des informations. J'espère que vous êtes contents et tout. Les débats vont commencer comme les informations, les interviews, les reportages et les politiques. Rolio Gonzalez. J'ai une question à Alfredo, une question aux spécialistes de la radio en milieu hospitalier, en dedans, en dehors, et aussi aux psychologues. L'intra-hospitalier, ces gens qui sont sortis de l'hôpital depuis 10-20 ans, comme le personnage qui avait été suivi par une chaîne de télévision à Moscou, je ne sais plus son nom d'ailleurs. Diego, voilà. Donc, manifestement, le travail de la Colifata... Qui a voyagé avec toi. Qui a voyagé avec nous, avec Marc. On est tous ensemble à Moscou pour faire de la radio. Et la Colifata est évidemment à l'initiative de tout ça. C'est la radio mère, marraine, si l'on peut dire. La question que je me pose et que je pose aux psychologues, c'est qu'en est-il du rétablissement ? Demain, il va y avoir le colloque sur le rétablissement en psychiatrie. La Colifata et Diego sont la preuve qu'on peut parler, pour ainsi dire, de guérison au bout de 20 ans de rémission. Qu'est-ce que tu en penses, Alfredo, en tant que psychologue et spécialiste d'une radio dedans, dehors, avec d'anciens psychiatrisés ? Qu'en est-il de la guérison ? L'expert. Non, moi, je suis tenté d'ouvrir la question à tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Moi, je dirais guérir de quoi ? Quelle maladie ? Comment elle s'exprime ? Quel défaut ? Quelle qualité ? Finalement, guérir de quoi ? Je redouble la question, en fait. Ben, moi, je pense, je ne suis pas spécialiste du tout, mais comme on a vu dans le film, le groupe radio, ça peut permettre de guérir de l'isolement, de parler de tout ce qu'on... De dire tout ce qu'on a dans le cœur. Ça a même permis à quelqu'un de retrouver sa famille, si j'ai bien suivi l'émission. Et pour moi, ça me permet de m'ouvrir, de parler, d'oublier ma maladie ou de la guérir progressivement. Le groupe radio, c'est. Pour moi, c'est. C'est tout ça. Quoi. Excusez-moi de vous poser une question aussi lourde. C'est uniquement parce que demain, il y a ce fameux colloque, donc une grande rencontre sur ce que les spécialistes de la maladie psychique appellent le rétablissement en psychiatrie. Parce qu'il faut savoir que les psychiatres ne veulent pas parler de guérison. C'est-à-dire que quand un malade a été malade une fois, hospitalisé une fois, pris un traitement une fois, les psychiatres le voient comme quelqu'un de malade à vie. Donc c'est une question que je pose aussi. Est-ce que tu peux répéter la question ponctuellement? Ça va nous permettre à tout le monde de... Bah voilà, donc je pose la question aussi à tout le monde, pas uniquement aux psychologues. C'est tous autant que vous êtes, que vous ayez été malade ou pas, que pensez-vous de la guérison en psychiatrie? Ou alors est-ce qu'on est malade à vie quand on a été, par exemple, hospitalisé une fois ou deux, ou même 10 fois? Est-ce qu'il n'y a pas de guérison possible, comme en médecine générale? Quand on a un cancer, il peut être soigné au bout de 10, 20 ans. Et il y a des maladies qui ne se soignent pas, comme le diabète pour l'instant. Donc, est-ce que la maladie mentale est un boulet et qu'on se traîne à vie, ou est-ce qu'on peut parler de guérison? Alors En fait, je ne suis pas spécialiste. Pardon, je suis pas spécialiste, mais une fois, il y a une doctoresse, enfin, qui s'appelle docteur Cardel. Ça marche, qui a dit aux patients, à nous tous, qu'on peut être très bien guéri en prenant son traitement. Donc, voilà, quoi. Mais aussi, il y a d'autres spécialistes qui ont aussi dit qu'on peut très bien ne plus avoir de médicaments, mais ça dépend aussi dans quel contexte. Mais en fait, il ne faut pas voir la maladie psychiatrique ou psychique comme une fatalité. Ça peut nous aider à nous en sortir mieux, quoi, plutôt que de se suicider ou de se jeter dans une rame de métro ou déprimer, par exemple. Voilà, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Et pourtant, je ne suis pas spécialiste. On n'est tous pas spécialistes, mais pour essayer un peu de faire avancer la question, en fait, le problème, c'est qu'on parle de maladie comme si on parlait d'une maladie biologique, ou quand tu prends l'exemple du cancer, etc. Là, la question, c'est la question de la souffrance. Est-ce que la personne ne va pas bien ou se sent pas bien? Et à partir du moment où elle se sent mieux, alors après, on parle de tout ce qui peut aider à aller mieux, on parle des médicaments, on parle des dispositifs comme ça, comme la radio, comme les ateliers de soins, comme, je sais pas, les gènes, ou ce qui peut exister dans les CATTP. À partir du moment où une personne se considère qu'elle va mieux et qu'elle se sent bien, est-ce qu'on peut parler de guérison ou pas, je sais pas, mais en tout cas, le but en tout cas du travail, c'est d'aller mieux. Et c'est là la question est compliquée, parce que ce parallèle entre maladie psychique ou maladie mentale et maladie biologique et physique, elle piège un peu le débat. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, j'aurais juste envie de dire qu'il y a aussi une tendance à la mode, mais qui a des intérêts politiques et économiques, de faire l'amalgame entre les maladies psychiques et les autres maladies. Et donc de dire, c'est vrai, il y a un discours de psychiatre aujourd'hui qui existe, il ne faut pas le nier, qui disent que c'est comme le diabète, on n'en guérit pas, il faut prendre un traitement toute la vie, c'est vrai. C'est bien parce que ça fait vendre aussi du médicament ad vitam aeternam. Mais en tant que soignante, j'ai plutôt envie de dire que l'être humain, il est complexe. La question même dans la maladie psychique du corps et de la pensée, tout ça, est-ce que c'est vraiment séparable ? Je pense pas, je pense que c'est très compliqué, et que la question de la guérison, c'est très individuel finalement comme réponse. On peut pas généraliser, à mon avis, et justement le fait de généraliser, je crois que c'est parce que derrière il y a des volontés politiques, sociales et économiques pour faire rentrer les gens dans des cases, dans des moules, et voilà. Mais en tout cas, moi je suis psychiatre et je dis à mes patients, moi j'aime pas dire à vie, je trouve que c'est horrible, en fait, de dire des trucs comme ça, et je le dis en consultation, voilà, vraiment. Mais après, chacun a ses histoires, chacun a ses souffrances et ses difficultés, et on est là pour être ensemble, avancer ensemble. Donc face à un patient, comme on dit dans votre rapport médecin-malade, vous le rassurez en lui disant qu'éventuellement, il pourrait être guéri. Guéri autant que faire se peut, parce que nous sommes bien d'accord, comme vous le disiez au début, la stabilité mentale n'est pas définitive. On peut être guéri, par exemple, au bout de 5 ans de galère avec une dépression ou une autre pathologie. Être guéri et 10-15 ans après avoir de nouveau des circonstances environnementale qui provoque une nouvelle pathologie ou la même. Donc on peut être guéri ponctuellement et que la vie mette en place de nouveau un système maladif, enfin, je veux dire, qui vous rend malade. Voilà, une situation familiale, sociale. Donc ce qu'on voudrait entendre quand on s'intéresse à la psychiatrie, c'est que le psychiatre, comme vous le dites, de temps en temps rassure ses malades en disant « Vous êtes guéri !» Sans traitement, je précise, parce que guéri avec traitement, c'est ce que les partisans du traitement chimique veulent absolument vous faire croire. Mais on n'est pas guéri quand on est gavé de neuroleptiques. Il y a plein d'effets secondaires. Le dépakote abîme le foie. Tous les traitements abîment des effets secondaires. Donc évidemment, on n'est pas guéri tant qu'on prend un traitement. La question est de savoir comment s'en sortir sans traitement. Oui, à mon sens. Oui. Non, non, ça marche, marche, marche. Parle. Marche. Non, moi, je voulais dire, quelquefois aussi, je crois que si je changeais complètement d'environnement, de vie, que je brisais la monotonie et que je positive plus, j'aurais l'impression de guérir, de pouvoir laisser mes médicaments. Quelquefois, je me dis, une amie qui m'a dit ça, mais pars à l'autre bout du monde, arrête tes médicaments, on va t'éclater, change de vie. Guéri, mais en fait j'ai l'impression que c'est ça. Cette personne m'avait dit va dans un pays étranger, fais la fête, romps la monotonie, la médiocrité de ta vie quotidienne, et tu n'auras plus besoin de tes médicaments. Mais pour moi c'est un risque. En fait, je me rends compte que quelquefois je me dis mais je voudrais me libérer de ça, complètement arrêter de voir les psychiatres, arrêter de prendre des rendez-vous avec les psychiatres. Prendre l'avion et découvrir autre chose dans le monde, d'autres endroits, et arrêter complètement mes médicaments. Et je me rends compte que je ne peux pas, en fait. Une année, j'ai essayé d'arrêter et je n'ai pas pu, quoi. J'ai rechuté encore plus gravement, quoi. J'insistais tout à l'heure en disant qu'on n'était pas guéri tant qu'on avait un traitement. Il faut largement nuancer. D'abord, moi, je ne suis vraiment pas spécialiste. Je suis ni psychiatre ni psychologue. Et je reconnais que d'après ce que j'ai entendu dire, les meilleurs psychiatres, c'est ceux qui prennent en considération le confort du malade. Oui, bien voilà, sûr. Ils estiment que l'essentiel, c'est le confort du malade. Donc, si le malade a besoin d'un traitement pour rester dans sa zone de confort, que grand bien lui en fasse. Après, le fait de partir à l'autre bout du monde, découvrir des choses inédites, dans une autre région de France, ça peut être vivifiant. Mais ce que je conseillerais aux uns et aux autres pour ce qui me concerne, c'est quand on est bien dans sa tête, on est bien partout. Quand on est sa tête, on est mal partout. Donc, il faut essayer d'être déjà bien dans sa tête. Après, si on a les moyens de bouger, on bouge. Je donne la parole à quelqu'un d'autre. Bonjour, je suis Adam Atran. Adam Atran. Et vous, vous êtes tout le groupe de la radio sans nom. Alors, je ne peux pas citer tous les noms, le prénom, mais tout le monde peut se présenter aujourd'hui parce qu'il y a une nouvelle personne qui est arrivée. Deux nouvelles personnes qui sont arrivées, donc on peut se présenter. Moi, c'est Adam Atran. Enchantée. C'est une réunion d'amis. Nous sommes aussi avec les gens de la chorale de Saint-Denis, qui peut-être il veut se préparer pour nous donner comme un cadeau quelques chansons. Et aussi, on a le plaisir de recevoir César, qui vient de l'Argentine. Qui a joué dans son mythique conjunto, je ne sais pas comment se dit ça en français, ensemble, le Quartetto Cedron. Bienvenue César, est-ce que tu veux nous regaler un poquitito de ta musique? Je vais jouer une valse argentine et très populaire que en regardant les films et les scènes du bal à la fin, j'imaginais déjà tous en train de danser la valse, comme ils sont dansés les tangos. Ça s'appelle un placer, un plaisir pour moi de les jouer. Quand j'étais petit, je voulais devenir chapelier et c'est réussi parce qu'au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que je travaille du chapeau. Era la hija de, la hija de, la hija de, la hija de, la hija de, la hija de alguien muy famoso. No era hija del verdulero ni de tipos cual vos o yo. No era hija del buen dinero, aunque quizás su chorno sudó. La tangomana la llamaba de milonga en milonga boy. Y cuando clases tomaba era de tutor en tutor. Era la hija de, la hija de, la hija de, la hija de, la hija de, la hija de, la hija de alguien muy famoso. Moi j'ai pensé à un truc, Radio Variété par exemple. Radio Variété, c'est bien trop bateau, quoi, c'est... Trop bateau. C'est bien, c'est une bonne idée, quoi. Pour nous contacter, holé, adresse email, groupe radiophonique, en un seul mot, point, Anière avec un S, @gmail.com. Alors, on est la chorale de Saint-Denis, on va jouer... On va démarrer avec deux petits morceaux, un morceau de Georges Brassens qui s'appelle La mauvaise réputation et un morceau d'Ino Ferrer qui s'appelle Le Sud. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je n'y ai même, je reste quoi. Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un culte heureux, j'en serai pas. sombre à la terre, les numéros se trouvent par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suit une autre route de queue. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suit une autre route de queue. Tout le monde se rue sur moi, sauf les culottes, ça va de soi. Pas besoin de Jérémie pour une somme qu'il m'est promis. Si tout fume dans à leur cou, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant des chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les rois, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les rois, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu. Et une deuxième chanson qui s'appelle Le Sud de Nino Ferrer. César, si tu veux nous accompagner au bandoléon sur le Sud. Ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. On aurait pu vivre. tous, nous sommes la radio sans culotte. Nous émettons tous les mardis de 14h à 15h15. Si vous voulez nous appeler, appelez-nous au 41 11 28 40. Si vous voulez notre adresse mail, je vous la propose, c'est groupe radiophonie point @gmail.com. Si vous voulez nos dates de rediffusion, nous rediffusons le jeudi à 21h, samedi à 10h. Merci à tous. Ce sera pour une prochaine fois. On refera beaucoup mieux. Poser une question à César, vous faisiez vraiment partie du groupe Quartetto Cedrone? Oui. Et oui, j'ai fait partie depuis sa création jusqu'à l'année 88. Parce que moi, quand j'étais jeune, c'était mythique pour moi. Pour vous, c'est mythique. Le Quartetto Cedrone. Pour moi aussi, hein. Bah oui. C'est mythique. Mais je suis très fière de pouvoir rencontrer l'un des anciens participants. Vous m'avez entendu quelque part? Jouer avec le Quartetto Cedrone. Mais il y a longtemps. Ah oui, longtemps, oui, c'est parce que j'ai quitté le Quartetto Cedrone en 90. Ça ne me rajeunit pas. Donc tout ça. Donc ça fait un bon moment. Hein. Bah oui, mais c'était mon époque. Oui, bah, la mienne jeune. Aussi. Voilà. Mais bon, j'ai continué à jouer quand même. D'accord. Oui. D'accord. C'est votre époque aussi, aujourd'hui. Hein, aussi, hein. Oui, effectivement. Mais on entend peut-être un petit peu moins parler du Quartetto Cedrone aujourd'hui. Qu'il y a 20 ou 30 ans, c'était vraiment... C'était un moment exceptionnel. C'était un succès parce que, phénoménal. Parce que bon, c'était un groupe qui exprimait aussi les problèmes qu'il y avait en Amérique latine. Et puis on était solidaires aussi avec l'Espagne, avec toutes les luttes qu'il y avait dans le monde. Là, moi, je me souviens à l'époque. Il y a ça encore, mais bon, ça c'est pratique un peu moins. Il y avait, j'ai des souvenirs d'avoir joué à la Mutualité dans des tas de oui, salles. Vous passiez au Grand Échiquier oui. aussi. De temps au Grand temps. Échiquier avec Jacques Chancel, oui. Voilà. Oui, et il y avait toujours Kila Payoun qui me faisait peur. Oui, avec ses voilà. Noirs. Et puis on était très, très. Aussi, on jouait beaucoup avec Paco Ibáñez. Oui. Les chanteurs espagnols avec qui j'ai continué à jouer, toujours. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Oui. Oui. Oui. Et Angel Parra ou des gens comme Angel ça. Parra, le pauvre, il est décédé. Ça fait peu de temps, oui. Ouais. C'était, mmh. Ouais. Moi, ouais, c'était toute une génération, oui. Que... Oui. C'est des beaux moments de ma vie. Mais en tout cas, ouais. Bravo. Bravo, merci. Parce que merci. Ça fait vibrer le bandoneon. Merci beaucoup. Merci. Véronique, comment est-ce que tu as connu Quartetto Cedrone? Parce que bah, j'étais mariée avec un Sud-Américain, donc je vivais à Paris dans le milieu sud-américain. Je ne connais pas du tout la musique française ou internationale de ces années-là, parce que j'ai été pendant 15 ans baignée dans le milieu sud-américain. Donc voilà, je me suis mariée en... Je crois que j'ai été dans le milieu sud-américain toutes les années 80 et une bonne partie des années 90. Donc c'est comme ça que j'ai connu... Mais Quartetto Cedrone quand même. Non, c'était... un groupe très connu. Bravo. Hay en el patio un ciruelo que es de todos el menor para que nadie lo pise tiene reja alrededor para que nadie lo pise tiene reja alrededor, aunque no puede crecer, él sueña con ser mayor, pero nunca podrá serlo, con tan poco sol de sol, pero nunca podrá serlo. tampoco sol de sol. Sabe si es un ciruelo, porque ciruelas no da. Se le conoce en la hoja que es ciruelo de verdad. Se le conoce en la hoja que es ciruelo de verdad. Il y avait, ils vont chanter encore la musique, là. Encore la musique, l'autre. Une chanson qui s'appelle Le Métèque de Georges Moustaki. De la radio qui vient d'arriver, qui n'était pas là pendant qu'on regardait le film. Est-ce que tu veux te présenter ? Alors bonjour, moi c'est Julienne. Désolée, j'ai raté. J'étais fatiguée. J'étais ce matin à la parentalité. Donc je suis rentrée chez moi me reposer. Je suis venue pour voir ici et ainsi que le concert. Voilà, donc je suis contente d'être avec vous. Bienvenue, pardon. On a choisi une chanson, c'est une chanson pour toi, Véronique, de Paco Ibáñez. Je pense qu'il parle en français un peu, ça va... De Miguel Hernández. De Miguel Hernández, Andaluces de Jaén, Andaluz. Andaluces de Jaén, andalú de Jaén, andalú de Jaén, de Jaén. C'est une chanson qui elle est basée sur une question fondamentale. Elle veut que ceux qui ramassent les olives, ceux qui ont planté les arbres, ceux qui les soignent, ceux qui les travaillent, ils veulent montrer cette chanson que c'est à eux les oliviers. Alors ils demandent la question, à qui sont ces oliviers andaluces de Jaén? Alors les oliviers sont à ceux qui les travaillent. Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. No los levanto la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. ¿Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos? Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Es una de las canciones de Paco Ibáñez que todavía sigue cantando, de las primeras que compuso. C'est une de premières chansons que Paco Ibáñez a composé. Ce texte de Andaluces de Jaén. Le maire de la ville de Jaén, que c'est une ville d'Andalousie en Espagne, l'a demandé la permission de faire l'hymne de la ville de Jaén de cette chanson. Et Paco Ibáñez, qui est franchement un bon anarchiste, qui n'aime pas la formalité, il a dit, écoutez, cette chanson, elle est déjà un hymne. Pourquoi vous voulez la légaliser comme hymne? Ça va comme ça. Il est proposé de l'argent pour des droits d'auteur, etc. Il n'a pas voulu. Voilà. Et moi, j'ai une faveur à demander à... À César, c'est s'il veut bien nous jouer un autre petit morceau de bandoneon. Je peux toucher. Bien sûr, un tango maintenant. Est-ce que je peux toucher? Parce que j'ai toujours vu ça. Si. Un tango très ancien qui s'appelle Felicia. Vas-y. morena mueve la cadera. Con un gustito agridulce en la boca, ella luce preciosa aunque llore madera. Con su cadera que se bambolea, las penas de adentro se van para afuera. Y llora, trocitos de madera, la niña misionera no para de llorar. Yeah.